ليبون ليبون أمون نفي دان عام wa bi nak modulon ka akura hon ko legi modu tel modu nak modu dafa nila tellement dafa nila ba prof bu won mu ñew quoi parce que inspecteur académie bi dafa waron ñew quoi le bu won modu ñew classe quoi ci journée bob legi nak mo modu ne ko modu bon de suba inspecteur académie day ñew legi yow jaru nga ñew quoi mais nana ci journée de nga mu ne ko waaw monsieur man man taw duma ñëw mu ne ko non inspecteur académie ngay ñëw jàmm nga ñëw maintenant su nekk quoi yaa ko moom ñu naa la ko waaw léegi monsieur man su ma ñëwee du ma wax du ma yëkkati loxo du ma def dara mu ne ko ah wax du yëkkati loxo mu ne ko du ma wax du ma yëkkati loxo mu ne ko d' accord kon suba nga ñëw mu ñëw nag suba si mu ñëw nag inspecteur académie ñëw prof bi di poser question kii yëkkatul loxo mu di yëkkati loxo rek prof interrogé ko léegi inspecteur académie ne gis loolu nag léegi nag benn instant nag mu posé benn question quand deux suivi la seconde semaine août rek Modou gën a yëkkati loxo bi nag di yuuxu nag prof bi interrogé ko bu interrogé keneen rek ku inspecteur académie ne ko s' il vous plaît monsieur bi tout à l' heure je vois que cet élève il lève la main mais vous l' interrogez pas il fait pas de la classe faut l' interroger après maître ne si si c' est vrai ok ne ko waaw Modou quand deux suivi la seconde semaine août. Modou ne waay lii logique la waay monsieur quand deux heures suivent la seconde semaine à côté pour ne pas bisculer l' autre